Je suis le loup. Wow, wow. Cette histoire me rend fou. Wow, wow. Dans la forêt, on ne m'aime pas. On me craint, on a peur de moi. Si je suis seul, je n'ai pas d'amis. C'est lié à mon appétit. Et pourtant, je ne suis pas méchant. J'ai toujours faim. Je mange tout ce que j'ai sous la main. Je suis le loup. Wow, wow. Cette histoire me rend fou. Wow, wow. Les légumes, c'est pas mon fort. Pourtant, je fais des efforts. Hier, le petit chaperon rouge, je l'ai mangé avec des courges. Et la mère grand, j'en ai encore plein les dents. Si je digère pas, c'est à cause des petits pois. Je suis le loup. Wow, wow. Cette histoire me rend fou. Wow, wow. Désolé, c'est plus fort que moi. J'ai dévoré Robin des Bois. Comme j'avais encore un petit creux, j'ai englouti Prof et Grincheux. Les autres nains, je les finirai demain. Pas de gâchis, Blanche-Neige sera cuite aussi. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Il faut que je fasse attention à mon alimentation. Que ce soit plus équilibré, ni trop sucré, ni trop salé. De l'exercice, chasse au bonhomme de pain d'épices. De la course à pied, rien de tel pour digérer. Je suis le loup. Wow, wow. Cette histoire me rend fou. Wow, wow. Les petits cochons aux petits oignons. La fée clochette sur ma fourchette. Le petit poussé en fricassé. Bambi, Donald et Mickey. Y'a plus personne. J'ai même fini les Pokémon. Mais j'ai une idée. Je vais tous vous manger. Car je suis le loup.